Et donc, une BD très chouette qui s'appelle Happy Living par Jean-Claude Goetting. Alors, on vous l'avait dit en intro, Jean-Claude Goetting, vous ne connaissez pas son nom, mais vous connaissez son dessin, puisque c'est le monsieur qui illustre Harry Potter, les versions françaises des bouquins de Harry Potter. Alors, je sais qu'il fait les grands, mais je crois qu'il fait aussi les pochettes des petits, des éditions oui. poche. Et c'est pas les mêmes pour les éditions de poche? Ah non, souvent ça change. Ouais. Hein. Ah oui, oula. Mais viendras chez moi voir ma collection d'Harry Potter, tu vois. Oula là, quelle proposition, c'est limite adressant. Hein. Avec la Virginie. Ouh. Oh, mais non, mais Xavier, oh, je ne mange pas de ce pain là. Mais pas du tout, c'est parce que je. Oh, voilà. Comme. Oh, l'esprit mal tourné. Voilà, donc hein. Les couvertures d'Harry Potter, au grand désespoir par exemple de Virginie, qui déteste le style graphique, qui est vrai, qui est, il faut bien le reconnaître, à des années-lumière du style beaucoup plus classique des couvertures anglo-saxonnes. Ça, c'est vrai. Effectivement, puisque Goetting fait des espèces de peintures en taches de couleur, sans beaucoup de détails, très expressives, mais un peu expressionnistes, comme ça, avec pas forcément, ne dessine pas beaucoup les yeux, par exemple. Une tache rose, ça ira pour le visage, etc. Donc c'est plus travaillé dans la matière, dans la texture, que vraiment dans les petits détails réalistes du dessin. Donc voilà, vous connaissez Jean-Claude Goetting. Mais vous connaissez peut-être aussi Jean-Claude Goetting parce que c'est un auteur de BD qui a quand même maintenant sacrément de la bouteille et qui est aussi un amateur de musique. Alors, je suis en train de tourner des pages parce que... du coup, voilà, je cherchais sa bibliographie. Mais c'est pas facile parce que c'est une couverture rigide. On le connaît bien, Goetting, notamment pour La Malle Sanderson. Qui était son grand retour à la bande dessinée voilà. Après de nombreuses années, puisqu'il avait commencé comme dessinateur de BD, pour s'orienter après vers l'illustration. Voilà, on lui doit pas mal de trucs dans les années 80, et puis effectivement, La Malle Sanderson est paru en 2004, et qui avait été fort remarqué, donc chez Delcourt, si je ne m'abuse. Oui, hein, c'est chez Delcourt. Et alors, il avait publié avant ça chez Futuropolis, dans le vieux Futuropolis, au beau temps de Futuropolis. Mais non, on a dit qu'on ne disait pas de Mal de Soleil. Ah oui, donc forcément, d'accord. Voilà. Non, mais c'est bien Futuropolis. Bon. Grand amateur de jazz, grand connaisseur de la BD, grand bonhomme, illustrateur, etc. Elle fait du bruit, ta BD, exactement. Elle fait du bruit parce qu'il y a une fausse couverture dessus. Une jaquette, oui, exactement. Ça fait plus classieux. Oui. Et donc, publié chez Delcourt, très bel objet, entre parenthèses, donc couverture rigide avec jaquette, ça fait, je vais vous dire, bon, ça fait, je crois, 130 planches, quelque chose, ouais, 131, quelque chose comme ça, un récit, qui est un récit, si c'était un film, ce serait un road movie, c'est une BD, donc est-ce que c'est une road BD, je ne sais pas très bien, c'est l'histoire de Merlot. Qui est un journaliste français qui part aux États-Unis pour écrire un bouquin, un jeune journaliste qui aime la musique et qui veut se faire connaître en écrivant un bouquin sur les gens qui ont écrit les chansons intemporelles que tout le monde connaît, genre My Way par exemple, tout le monde connaît My Way, mais est-ce personne qu'on sait... ne connaît l'auteur. Voilà, Besame Mucho, tout le monde connaît, etc. Et puis évidemment, il introduit là-dedans une chanson qui est fictive, qui s'appellerait Happy Living. Semble-t-il, un grand tube dans cet univers fictif qu'il nous décrit. Et donc, notre ami François Merlot part d'abord à New York pour essayer de trouver l'auteur de Happy Living, qu'il retrouve, qui s'appelle Slaters. Et ce Slaters va lui confier son secret. Il est en fin de vie, Slaters, visiblement, il est un peu au bout du rouleau, il a un truc à lâcher, il profite de l'avenue de ce petit Frenchie pour... Son secret ? C'est lui qui a tué Kennedy ? Non, même pas. Elvis, c'était pas lui non plus. Non, son secret, c'est que finalement, ce n'est pas lui qui a écrit Plagié. Happy Living. Il a plagié. Son histoire, c'est que il travaillait dans le temps, c'était dans les années 50, dans les milieux du jazz, avec une série de musiciens de studio, et notamment un batteur complètement alcoolo, et complètement inconnu, dont je cherche le nom, c'est pour ça qu'en fait je traîne un peu sur mes phrases. Oui, mais donc... s'il est inconnu, c'est pas très grave si on ne se souvient plus de son nom. Non, parce qu'en plus, de toute façon, c'est un personnage fictif, évidemment. Voilà, Treviso. Treviso. Et c'est en fait donc ce batteur qui aurait un jour tapoté une mélodie au piano, et Slater c'était là, et puis en fait après le gars s'est effondré ivre-mort, mais sa mélodie était géniale, et donc Slater l'a reprise, l'a adaptée, a pondu des chansons, et ça a fait un tube planétaire. Et il semblerait que là, en fin de vie, il se décide un peu à lâcher le morceau parce qu'il en a gros sur la tête. Écrasé par la culpabilité. Non, pas vraiment ça, mais il sent bien que malgré tout, voilà, il a pas envie de partir avec ça sur la conscience. Alors notre journaliste parisien évidemment fait ah bon, ah, surpris et tout. Et Slaters lui dit bah écoutez, vous êtes là pour le livre, retrouvez-le. Je voudrais vraiment lui avouer ça. S'il est encore vivant, retrouvez-le parce que moi je veux me débarrasser de ce fardeau. Ce sera peut-être la dernière chose que je ferai, etc. Et donc voilà notre ami Merlot parti à la recherche de ce gars qui la dernière fois que Slaters l'a vu habitait Los Angeles. C'était dans les années 50, hein, donc c'était la grande vague de la côte ouest américaine. Et donc, il retourne sur les lieux. Alors, évidemment, bon, on a droit à le Frenchie aux États-Unis. Hein, donc, bon, un peu dépaysé, l'avion. Ah oui, il faut que je loue une voiture. Oh putain, c'est grand, je me rendais pas compte. Zut, mon GSM, il faut que je trouve un portable qui un tribande, parce que sinon, ça n'ira pas, machin, etc. Donc, évidemment, un petit côté un petit peu rigolo. Et puis, François Merlot va se lancer à la poursuite, à la recherche de Treviso. Alors, je ne vais pas du tout plus loin. Là, honnêtement, je vous ai décrit 10 pages du bouquin, qui en compte donc 130. C'est un espèce de thriller, road movie, enquête, avec des clins d'œil immenses, avec des paroles de chansons, avec des personnages très célèbres qui passent à côté de personnages de fiction, etc. C'est tout à fait riche. Il y a ce côté dépaysement du journaliste français dans un pays qu'il ne connaît pas forcément bien, etc., mais qui finit... Bon, il est toujours sympa. Il finit toujours par rencontrer des gens complètement incroyables. Par exemple, il débarque à Los Angeles, il veut trouver un hôtel. Bon, il a son guide du routard, machin, il comprend rien aux routes, il se paume, etc. Et puis, oh, il voit sur le bord de la route un motel. Alors, il s'arrête et puis il dit, mais c'est bizarre ce motel, une espèce de motel comme ça avec bon, motel à l'américaine quoi, avec plein de maisons sans étage autour d'un espèce de parking comme ça, oui, des bungalows, voilà, et puis derrière une maison avec un toit victorien. Et là il ouvre la porte et Norman Bates, et le type lui fait ouais je sais, on me le fait tout le temps, mais bon voilà. Et ce type est le sosie de Norman Bates, donc évidemment il va y avoir une espèce de complicité entre deux. Et puis il y a évidemment en face du motel, forcément le restaurante dans une caravane, machin, un petit peu avec la serveuse sympa et le café qui bouille pendant toute la journée sur le truc à l'américaine, quoi. Donc notre Frenchie est perdu là-dedans. Il va suivre son enquête. Et alors, ce qui est extrêmement bien ficelé dans ce bouquin, c'est que c'est pas spécialement linéaire et c'est, il y a un rythme qui est absolument parfait. Donc, comme dans tous les bons films d'enquête et tous les bons récits d'enquête, bah, il va suivre une piste mais qui va se révéler plus courte que prévu, il va se retrouver un peu dans le vide et puis il va mettre 5 minutes à essayer de retomber sur ses pattes. Et puis de manière tout à fait inattendue, un truc mais totalement vraisemblable, lui revient par la bande et hop, il va suivre la nouvelle piste qui va l'emmener 100 mètres plus loin, mais hop, bah, il tombe en rade et puis autre chose, il revient un peu en arrière, etc. Donc c'est vraiment extrêmement bien ficelé, ça tient tout à fait la route, c'est haletant. Et alors à la fin, on a évidemment la surprise, le double retournement de situation, machin, etc. Le tout dans une atmosphère, parce que je raconte ça, c'est vrai que ça a l'air un peu truculent comme je le raconte comme ça. C'est pas vraiment le ton du récit. Le ton du récit est plus road movie, plus grands espaces, etc. Des petites histoires, des petites touches intimistes, parce que François Merlot est en contact avec sa femme qu'il a laissée à Paris. Et il y a aussi là une espèce en sous-texte, une drôle d'histoire sur eux deux qui n'est pas vraiment au cœur du truc, puisqu'il y a 3 ou 4 coups de fil dans les 130 pages, mais elle a rendez-vous avec un producteur qui veut lui faire passer un truc, mais qui finalement lui donne rendez-vous le lendemain pour un souper, parce qu'il veut la revoir et parler d'Homme, qui veut lui parler, tu vois, un peu plus intime et tout ça. Pendant ce temps-là, on voit bien que lui, la petite serveuse du restaurant, ah, elle est quand même mignonne, elle est quand même sympa et tout ça. Donc, il n'y a rien de vraiment dit, mais on sent bien qu'il y a quelque chose là, en parallèle, sans qu'on voit jamais sa femme, etc. Et vraiment un récit extrêmement riche. Donc, et je le répète, ficelé, truffé de références musicales, donc vraiment super chouette. Je vous raconte absolument pas la fin, je n'ai fait qu'effleurer le sujet, c'est très très bien, j'ai dû le lire un peu vite, mais je me réjouis de me replonger dedans pour le relire, tellement c'est chouette. C'est dessiné en noir et blanc, mais avec le même velouté, le même grain, la même précision sans précision, hein, avec pas beaucoup de détails, mais un dessin très expressif. que ce qu'on a dans les Harry Potter. C'est un peu, j'ai lu. C'est en noir et blanc donc. C'est en noir et blanc. Ouais, oui. Comme la Mal Sanderson, plus ou moins, c'est un peu le même style graphique. Oui, tout à fait. C'est vraiment un peu le même style graphique. Et alors, il y avait quelqu'un qui décrivait. Alors, je recherche la référence. Je pense que c'est sur le site de France 3 où on disait, Götting finalement, c'est comme Bilal, mais en noir et blanc. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de ça. Est-ce vraiment un compliment ? Pas au niveau du récit, au niveau du graphisme. D'accord. On peut pas nier le talent graphique de Bilal quand même, même si c'est vrai qu'on comprend rien au dernier truc qu'il a fait, il faut qu'il arrête la drogue. Mais quand même, au niveau graphique, c'est quand même un grand monsieur. Plutôt qu'il devrait essayer la drogue. Ah, c'est pas ça faux. Ça lui ferait pas de mal. Il devrait arrêter de se prendre au sérieux. Oui. Ça serait bien, ça. Ça lui ferait vraiment du bien. Et donc, Götting, très très chouette. Chaque case est un tableau, quasiment. C'est parce que c'est du noir et blanc, donc on a tendance à passer un peu vite, mais si on s'attarde sur les cases, c'est vraiment truffé de finesse et de velouté, de texture, d'ambiance, etc. C'est magnifique, c'est un album qu'on sirote en entendant de la musique de jazz dans sa tête, à chaque coin de page, on retrouve des allusions. Il n'y a pas la BO qui est... Il n'y a malheureusement pas la BO, non, mais je pense que si on s'y connaît un petit peu en jazz, on va retrouver les références explicites, parce qu'il y a des paroles de morceaux et des morceaux qui sont cités et des artistes qui apparaissent, et puis il y a aussi tout un tas de trucs qui sont des références plus ou moins voilées à des personnages existants ou bien à des mélanges de personnages existants, et par exemple on ne peut pas s'empêcher de repenser, donc il y a une fille qui chante seule à la guitare des airs un peu jazzy comme ça et qui fait une reprise à la fin, donc qui apparaît en cours de récit, je peux pas expliquer qui c'est sinon je bousille le roman, et clairement on sent bien que là il y a un petit peu du Nora Jones quand même, peut-être un petit peu, ou un petit peu du Katie Tunstall, on parlait de Katie Tunstall. Non, moi je pensais à Jessica Rabbit, mais ah, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Jessica Rabbit fait pas de... Elle joue pas un petit peu du ukulélé ou un petit peu de guitare? Si, mais elle a pas fait des disques. Non. De toute façon, Jessica Rabbit. Elle n'existe pas, hein, je te le rappelle. Ah, c'est juste, oui. Mais Jessica Rabbit, de toute façon, elle peut jouer ce qu'elle veut. Moi, ce sera toujours bien. C'est très, très bien. Ah oui, c'est très, très bien. Donc voilà. On parle encore de Zemeckis. Il est partout. Là. Il est partout. Donc, je vous rappelle, aux éditions Delcourt, je ne sais pas si c'est une collection particulière, mais c'est vraiment un bel objet. Pas une collection qui s'appelle Mirage ou quelque chose comme ça? Ah, c'est possible, oui. Ah, mais oui, bien sûr, voilà. Il y a une publicité à l'intérieur où on voit effectivement que c'est Delcourt Mirage. Voilà. Voilà. Collection dans laquelle les bouquins de Van der Meulen sur, sur ce scientifique allemand. Oui. Et publié, mais évidemment le nom ne me revient pas comme d'habitude. Oui, c'est possible. Je me rends compte maintenant qu'on a parlé de bouquins qui étaient sortis chez Mirage et je fais seulement maintenant le rapprochement, puisque Pourquoi j'ai tué Pierre, dont notre ami Fred était venu nous parler, qui a eu le Grand Prix Angoulême, si je ne m'abuse, ou le Prix du Public au Festival d'Angoulême dernièrement, est publié chez Mirage. Et puis Corbeyran et Thierry Murat, qui avaient publié un one-shot, Elle ne pleure pas, elle chante. Je ne sais pas si tu t'en souviens, j'en avais parlé l'année dernière. Quelque chose, oui, ça me dit quelque chose. Voilà, est publié là aussi. Franz Haber, je pense, voilà, c'est le bouquin de Van der Meulen, sur la trajectoire d'un scientifique allemand avant-guerre, avec des rapports troubles avec le nazisme. D'accord. Didier Van der Meulen, Fritz Haber. Fritz Haber. Voilà. Autant pour moi. C'est presque ça. Ah ben voilà, je le trouve au détour du catalogue. Donc je vous le recommande très très très très très chaudement. C'est une super BD. Mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais lu. En plus, avec le bruit qui fait la jaquette, on a vraiment l'impression que c'est un bouquin qui est relié cuir comme ça. Tout à fait. Ça grince un peu. Je vais vous le refaire. Oh là là. Ah, ça le fait, il n'y a rien à faire. Donc voilà, Jean-Claude Götting ne fait pas que les pochettes de Harry Potter, et donc précipitez-vous sur cette BD chez Delcourt Collection Mirage.